à faire l'appoint. Ça négociait pièce après pièce et j'avais fatalement un peu de temps pour réfléchir. Un euro en pièces de 20 centimes semblait à cet instant valoir beaucoup plus cher qu'une simple pièce de 1 euro. Ce qui se jouait devant moi, c'était donc l'apparition d'une valeur que l'argent ne pouvait pas payer, puisque dans le système monétaire, il n'existait pas de manière de distinguer le premier euro du second, l'euro en petite monnaie de l'euro incassable. Certes, je sais qu'il existe, à Rome ou dans les villes de pèlerinage, des trieuses de pièces, comme je sais qu'il existe, entre les banques et les petits commerces, des accords contractuels sur la livraison de pièces de change dans des rouleaux de papier. Il existe ainsi bien un marché parallèle dans lequel l'opération tautologique du change est monétisée, et c'est même probablement comme cela que les banques sont originellement apparues, comme un système de change, de stockage, de téléportation de la monnaie, téléportation dans l'espace, le billet, et téléportation dans le temps, le crédit. Et à cela, on a très vite attribué un coût, un pourcentage, comme si l'argent était devenu, dans ce type d'opération, auto-référentielle, une partie de sa valeur servant à lui donner sa valeur. Un véritable phénomène d'usure, au sens littéral où les pièces anciennes perdaient un peu de leur or dans les mains de ceux qui les manipulaient. C'est bien de ça dont ça discutait devant moi, à la boulangerie, comme si la cliente et la boulangère mesuraient les enjeux colossaux de l'appoint, et qu'il se jouait ici, entre les paradoxes de Russell sur les juments autoréférencés et la crainte d'une obscure arnaque, quelque chose d'immensément métaphysique. Oui, mais il ne peut pas y avoir d'arnaque, puisque la cliente veut donner le compte juste. Bah, passons sur le fait que dans un système économique qui repose sur la vitesse, mon insupportable attente à la boulangerie était déjà de l'ordre de l'arnaque. Mais ce qui se jouait surtout, c'était bien la scène primitive de l'apparition, par-dessus la tautologie du troc, d'un système basé sur une asymétrie irrattrapable. Pour que l'argent ait de la valeur, il fallait bien qu'à cet instant, comme en tous, ces 5 pièces de 20 centimes valent un peu plus qu'un euro. Sinon, il n'y aurait pas d'échange possible ou bien quelque chose de l'ordre d'un écosystème, pas d'une économie. Et je me suis demandé justement, en généralisant ma découverte, s'il pouvait exister un système encore au-dessus du système monétaire. Quelque chose que tout l'argent du monde n'arriverait pas à payer. Quelque chose qui aurait l'air parfaitement couvert par l'argent, mais qui ne le serait en réalité pas tant que ça, et même de moins en moins. J'ai pensé évidemment que l'asymétrie viendrait désormais des déséquilibres irrattrapables de l'économie du carbone. On aurait beau multiplier les écotaxes et les impôts carbone, on resterait débiteur d'un système climatique qui ne nous donnerait plus le change exact. Et la chose n'est pas sans ironie, car je me suis en effet souvenu des fausses pièces de 5 francs que je fabriquais enfant en frottant le graphite d'un crayon sur une feuille posée au-dessus d'elle, et c'est comme si soudain tout était retourné et que ma fausse pièce en graphite était devenue la monnaie originale. Et donc, il existe bien une chose qui n'a pas de valeur. Et cette chose, c'est l'argent. Comme t'aimes le rappeler, avec leur lenteur cérémonieuse et mystique, ces gens qui font encore l'appoint dans les boulangeries. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand, un immense merci à l'issue de cette semaine autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Clara de Giovanni, Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda, qui a accompli un travail phénoménal de réalisation pour cette semaine à la prise de son, le non moins phénoménal Jean Frédérics, à la lecture des textes Denis Podalides, qu'il en soit remercié. On se retrouve demain, profession philosophe, en compagnie du philosophe Frédéric Gros. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission à votre guise, notamment à travers l'application Radio France qui vous permettra de l'écouter en téléchargement et aussi en direct. À demain 10h, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.